Chapitre 33e. Lorsque Madame Méraud arriva à Grondé, son fils n'était pas encore revenu du parquet. Elle fut reçue avec force salutations et génuflexions par les propriétaires. Car malgré tout, ces deux vieilles filles avaient un certain respect pour le substitut, original oui, mais enfin impoli avec les personnes du sexe, et sous ce rapport, elles n'étaient pas gâtées, exposées qu'elles étaient plus souvent aux plaisanteries ou aux gaudrioles qu'à des gracieusetés. Bien que Madame Méraud connût parfaitement le chemin qui conduisait à l'appartement de son fils, les deux vieilles tinrent à l'accompagner jusqu'au haut de l'escalier, et après avoir ouvert la porte, les salutations et les génuflexions recommencèrent pour prendre congé. Cet appartement se composait de trois pièces, une antichambre, puis un salon, puis une chambre à coucher. Occupé précédemment par un monsieur prêtre, qui y était mort, il y avait plus de confortable et même de luxe qu'on en trouve généralement dans les maisons de province louées en garni. On sentait qu'il avait été arrangé, avec une tendre sollicitude, par des dévotes qui voulaient être agréables à un ecclésiastique. Le raffinement avait été si loin que dans le salon se trouvait un canapé en tapisserie qui était un ouvrage des vieilles filles. Un tapis en morceaux de drap cousu bout à bout recouvrait le carreau de la chambre, et le lit était entouré de rideaux de mousseline blanche qu'ils avaient elles-mêmes brodés. Quand Madame Méraud venait à Condé, son premier soin était de visiter l'armoire au linge de son fils. Elle était absorbée dans cette occupation lorsque Louis entra. Après avoir accroché son chapeau et posé sa serviette en maroquin sur une table, il vint doucement vers sa mère et alors, avec plus de chaleur qu'il n'en mettait ordinairement dans ses actions, il l'embrassa. « À Condé aujourd'hui, dit-il, tu ne m'avais pas parlé de cette visite. Elle te surprend. Elle me fait plaisir. » Tu vas dîner avec moi, j'espère. Je ne viens pas pour dîner, j'ai à te parler. Comme tu dis cela, tu me fais peur. Et de fait, il se sentait peu rassuré. Sa mère l'avait tant de fois entretenu de l'héritage d'Arthur. Ils avaient eu à ce sujet tant de discussions qu'il craignait d'avoir à en soutenir une nouvelle. Instantanément, ses manières changèrent. Le fils tendre et affectueux redevint, comme s'il avait été touché par une baguette de fée, le magistrat droit et roide. « Assieds-toi, » dit-il en avançant un fauteuil à sa mère, et lui-même se plaça devant sa table de travail, dans l'attitude du juge qui va écouter un plaideur. « Je viens, » dit-elle, « te demander de passer les vacances de Pâques avec nous à Rudemont. Tu me feras grand plaisir. »« Si ce n'est que cela, » répondit-il en souriant, « tu aurais pu t'épargner la fatigue de ce petit voyage. Tu acceptes ?»« Dès là que je te ferai plaisir, assurément. » J'avais, il est vrai, pris certains arrangements en vue de mon voyage à Paris. J'avais donné des rendez-vous à des amis. Mais je n'ai pas de meilleur ami que toi. Tu veux me garder, je reste. Cela fut dit de la meilleure grâce, presque avec empressement. S'il s'était défendu, Madame Méraud, après l'avoir combattu et finalement décidé, n'eût probablement pas poussé l'entretien plus loin. Elle aurait attendu les vacances pour voir elle-même ce qu'elle cherchait à découvrir. Mais cette facilité, cet empressement accepté, la surprise. Comment renonçait-il ainsi à son voyage à Paris, auquel elle savait qu'il tenait tant. N'attendait-il donc qu'une occasion pour venir s'installer à Rudemont? Dans ce cas, ce serait donc Denise qui l'y attirerait. Elle n'eut pas la patience d'attendre. « Tu ne me demandes pas les raisons qui me font te prier de renoncer à ton voyage à Paris? Tu me dis que cela te fait plaisir que j'aille passer mes vacances près de toi, et tu te déranges exprès pour venir me communiquer ce désir. Je conclus de cela que ce désir est vif et cela me suffit. Mon enfant, je ne suis point une mère exigeante, et jamais je ne t'ai rien demandé en vue d'une satisfaction exclusivement personnelle. Je sais combien tu tiens ton voyage à Paris. Si je te prie d'y renoncer, c'est que j'ai pour cela des raisons puissantes. Alors, maman, je reprends ma parole. À ton désir, je cède et céderai toujours. Mais si ce désir s'appuie sur des raisons qui ne te sont pas personnelles, tu voudrais bien que j'apprécie ces raisons avant de me décider. » Madame Méraud vit qu'elle avait fait fausse route. Mais elle était trop avancée pour reculer. Je vais être franche, dit-elle, et t'expliquer sans en rien cacher ce que je voudrais. Tu sais que depuis 10 ans, je n'ai qu'un but dans la vie, t'assurer l'héritage de ton cousin. À ces mots, Louis interrompit sa mère avec une vivacité qui eût bien surpris ceux qui ne l'avaient vu que sur son siège. Oh, maman, dit-il d'une voix émue, je t'en prie, je t'en supplie, ne parlons pas de l'héritage de mon cousin. Tu sais qu'aucun sujet ne peut m'être plus pénible. Cependant, il faut bien que j'explique les raisons qui me font désirer ta présence à Rudemont. Si ces raisons se rapportent même de loin à la question d'héritage, je désire ne pas les connaître. ce n'est pas aujourd'hui pour la première fois que tu abordes cette question de l'héritage de mon cousin, et tu sais quels sont mes sentiments à ce sujet. Que mon oncle Artem et toi vous soyez mis dans la tête que vous seriez les héritiers du marquis de Rudemont, et cela en vertu d'un droit, parce que la terre de Rudemont a appartenu autrefois à mon grand-père Fabius, c'est bien. Je n'ai pas à discuter cette idée, pas plus que je n'ai à vous juger, mon oncle et toi. Cependant, tu nous juges ? Non, maman, non. Et en tout cas, si je me permettais de le faire, crois bien que je ne réunirais pas dans le même jugement mon oncle et toi. Si vos espérances sont les mêmes, ce dont je souffre, permets-moi de te le dire, vos procédés diffèrent du tout au tout, ce dont je suis heureux pour ma mère. Ce n'est pas pour moi que je désire l'héritage d'Arthur. Tu sais bien que c'est pour mon fils que j'aime, qui est tout dans ma vie, et que je voudrais riche et puissant. Jamais motif ne fut plus sacré. Et d'ailleurs, j'ai la conscience de n'avoir jamais rien fait en vue de t'assurer cet héritage, qui soit de nature à te blesser dans le présent ou à t'inquiéter dans l'avenir. Aussi, je dis que je ne te joins pas à mon oncle. Mais il n'en est pas moins vrai, cependant, que je souffre beaucoup de te voir poursuivre la réalisation de cet héritage. Es-tu ou n'es-tu pas l'héritier du marquis de Rudemont, fils de la sœur de mon père ? Assurément, dans ces conditions, je le serai un jour, si le marquis ne prend pas des dispositions contraires toutefois. Voilà, chère mère, où est la différence entre nous. Et si tu veux bien y réfléchir, tu verras qu'elle est capitale. Vous, c'est-à-dire mon oncle et toi, vous vous considérez comme étant les héritiers du marquis de Rudemont, fils de la sœur de votre père. Moi, au contraire, je me considère comme pouvant l'être un jour, mais aussi comme pouvant très bien ne pas l'être. L'héritage dès maintenant vous appartient. Vous avez un droit dessus. Il ne vous manque que la jouissance. À moi, au contraire, il n'appartient pas et je n'ai aucun droit dessus. Après ton oncle et moi, tu es cependant le plus proche parent d'Arthur. Sans doute. Mais si je suis un héritier possible pour lui, je ne suis pas un héritier nécessaire. Ce n'est pas à une femme connaissant la loi comme toi qu'il est utile d'expliquer cette nuance qui différencie la situation du jour à la nuit. Si j'étais un héritier à réserve du marquis, son fils par exemple, ce serait tout autre chose. Alors oui, j'aurais des droits sur cette succession. Madame Hérault fit un mouvement que son fils remarqua, mais dont il ne comprit pas la signification. Il poursuivit. Étant donné mon caractère, il est probable que je serais peu disposé à faire valoir ses droits ou à les défendre. Car, je vais te dire ici une chose un peu vive pour un magistrat, mais enfin, elle ne sortira pas d'entre nous. Car je considère l'héritage comme étant trop souvent une cause d'appauvrissement pour la fortune publique et de perversion pour l'individu. Sous prétexte qu'on a un héritage à recueillir, on se dispense de travailler. À quoi bon faire des efforts personnels ? On sera riche un jour. La loi travaille pour nous. Combien vaut mieux la coutume anglaise ? On ne laisse rien à ses enfants, mais on en fait des hommes. En France, nous sommes tous plus ou moins des héritiers, et comptant là-dessus, nous restons des enfants qui auront un jour la fortune à papa. À qui veux-tu qu'elle aille, cette fortune ? Là n'est pas la question. Ce que je veux dire seulement dans notre espèce, c'est que je n'accepterai jamais la position sociale d'héritier du marquis de Rudemont. Je trouverai cela dégradant. Et puis d'ailleurs, la belle position vraiment est sûre. Le marquis a 45 ans, moi j'en ai 26. 20 années seulement nous séparent. Mais il faut remarquer que tandis que le marquis est bâti comme un sylvain, je le suis moi comme un simple citadin. La force de santé et de résistance chez l'un compense ainsi l'avantage de l'âge qu'il y a chez l'autre. Donc, si les probabilités sont justes, mon cousin quittera la vie à 85 ou 90 ans et moi vers 60. C'est-à-dire que je mourrai avant lui. Et pendant ses 60 ans, je ne ferai rien, sous prétexte que j'attends son héritage, qu'il peut très bien d'ailleurs laisser à un autre. Tu sais très bien que d'après la loi de la nature, il doit mourir avant toi, et que d'après la loi civile, tu dois hériter de lui. Ne raisonne donc pas par l'absurde. Mais non, je n'en sais rien. La question de survie est incertaine, la question d'héritage l'est également. Pourquoi mon cousin ne ferait-il pas un testament ? Il en a bien le droit, il me semble. Pourquoi ne laisserait-il pas sa fortune à quelqu'un qu'il aimerait ? C'est précisément ce que je veux empêcher. Et moi, c'est de cela précisément aussi que je ne veux pas me mêler. Mon cousin était excellent pour moi. Il s'est très généreusement occupé de mon éducation. Il m'a fait ce que je suis. Comme parent, il s'est acquitté envers moi bien au-delà de ce qu'il me devait. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Et si l'occasion se présente jamais, je saurai lui prouver ma gratitude. Mais je ne suis pas de ceux qui se figurent que parce qu'on a fait une fois, on est obligé de faire toujours. Mon cousin ne me doit rien, et moi je lui dois beaucoup. Voilà nos positions respectives. Pour mon compte, je suis fermement décidé à ne pas sortir de la mienne, même quand ce serait pour t'être agréable. Si mon séjour à Rudemont se rattache de près ou de loin à cette affaire d'héritage que tu as toujours poursuivie malgré moi, n'en parlons plus. Je te prie, et laisse-moi aller à Paris. Et si je venais t'offrir le moyen de t'assurer cet héritage d'une façon sûre? Si je te mettais à même de réaliser le cas que tu prévoyais tout à l'heure? Si au lieu de rester l'héritier possible du marquis, tu devenais son héritier nécessaire? Il la regarda longuement sans répondre. Puis, tout à coup, se levant, il vint vivement à elle et l'embrassa avec tendresse. « Ne parle pas ainsi. Je t'en prie, n'ajoute pas un mot. Allons dîner. » Et doucement, il voulut lui mettre la main sur les lèvres, mais elle le repoussa. « Il faut que je parle, » dit-elle, « et toi, il faut que tu m'écoutes. »